Vous le savez, si vous me suivez régulièrement, la découverte des exoplanètes n'est pas mon dada favori, hein, car je trouve que cette quête ressemble un peu trop à celle des navigateurs européens du XVe siècle. Les 100 premières îles découvertes furent passionnantes, et puis ensuite, on sait qu'il en existe presque une infinité, et on est assez vite blasé. Et ce, d'autant plus que l'on sait pertinemment que nous n'irons jamais sur place. Mais bon, ce qui est tout de même intéressant dans cette science de la planétologie, ce sont les avancées techniques inventives qu'elle génère pour assouvir cette curiosité presque vaine. Voilà donc une nouvelle prouesse réussie par des astronomes hollandais de l'observatoire de Leiden, qui, pour la première fois, viennent de mesurer la rotation sur elle-même d'une exoplanète. Attention, on ne parle pas ici de la rotation de la planète autour de son étoile, ce qui est assez facile à observer, mais de sa rotation sur elle-même, ce que font les milliards de planètes de l'univers et la Terre en 24 heures chrono. Ignace Snellen et son équipe ont observé une exoplanète qui s'appelle Beta Pictoris B. Ce n'est pas n'importe quelle exoplanète, hein, car elle fait partie du premier système découvert dans lequel il y avait quelque chose autour de l'étoile. C'était en 1983. Beta Pictoris B, qui fut, elle, confirmée dès 2008, est ce qu'on appelle une Jupiter chaude, une planète gazeuse géante, très jeune. À peine 50 millions d'années d'existence. 10 fois plus chaude que Juju. Elle est séparée de son étoile Beta Pictoris par une distance double de celle séparant le Soleil de Jupiter, et brille 10 000 fois plus qu'elle. Non seulement on comprend pourquoi elle a été l'une des premières exoplanètes découvertes, mais ses caractéristiques en font la planète idéale pour en tirer un maximum d'informations à partir de la lumière qu'elle nous envoie, notamment dans l'infrarouge. Les astronomes hollandais ont utilisé un des 4 télescopes formant le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral LESO, installé dans les Andes chiliennes, et plus précisément un instrument appelé Cryogenic High Resolution Infrared Shell Spectrograph, durant la nuit du 17 décembre 2013. L'idée de Snellen et de ses collègues était d'exploiter le spectre émis par la planète en se focalisant sur des raies d'absorption de molécules qui n'existent que dans son atmosphère et pas dans l'étoile à proximité. Ces molécules dépendent de plusieurs paramètres, comme la composition chimique bien sûr, mais aussi la température et la pression de l'atmosphère planétaire. On y trouve notamment de l'eau, du monoxyde de carbone, de l'ammoniac et du méthane, ce qui offre de nombreuses raies à étudier dans le spectre lumineux. La vitesse de la planète autour de son étoile produit un décalage Doppler des raies, vers le rouge quand elle s'éloigne de nous sur son orbite, et vers le bleu lorsqu'elle se trouve dans la partie où elle se rapproche. Mais à ces décalages spectraux s'additionnent d'autres petits décalages qui apparaissent sous la forme d'un élargissement des raies décalées. Vous me suivez? Puisque la planète tourne sur elle-même, on voit une moitié du disque planétaire qui s'éloigne de nous, décalant la lumière vers le rouge, et l'autre moitié s'approchant de nous, produisant un décalage vers le bleu. C'est en mesurant très précisément cet élargissement des raies spectrales, vers le rouge d'un côté et vers le bleu de l'autre, provenant donc de Beta Pictoris B, que les auteurs sont parvenus à déterminer comment elles tournent sur elles-mêmes. La forme de l'élargissement des raies spectrales fournit une information à la fois sur la vitesse de rotation et sur l'inclinaison de l'axe de rotation par rapport à la ligne de visée. Par cette technique, les astronomes hollandais peuvent dire que Beta Pictoris B est actuellement en train de tourner vers nous, décalage global des raies du monoxyde de carbone vers le bleu, et qu'elle tourne sur elle-même avec une vitesse de 25 km par seconde, soit 50 fois plus vite que la Terre et le double de Jupiter. Et comme on connaît par ailleurs une estimation de la taille de cette exoplanète, la durée de son jour, c'est-à-dire une rotation sur elle-même, peut alors être évaluée. Il vaut 8 heures terrestres. Une rotation aussi rapide n'est pas une surprise pour les astronomes. Il semble exister une tendance au moins dans notre système solaire, qui indique une augmentation de la rotation avec une augmentation de la masse de la planète. Mais Mercure et Vénus sont des exceptions, qui sont trop perturbées par le Soleil. Les chercheurs estiment déjà qu'avec une telle vitesse de rotation, les processus météorologiques qui doivent exister sur Beta Pictoris B doivent être très influencés par sa rotation. Cette première mesure de rotation d'une exoplanète va, à n'en pas douter, ouvrir la voie à de très nombreuses autres mesures du même type sur les milliers d'exoplanètes géantes gazeuses déjà recensées ou en attente de découverte. On retrouve cet article dans Nature de la semaine dernière, du 1er mai, sous le titre « Fast Spin of the Young Extrasolar Planet Beta Pictoris B » par Snellen et ses collègues.